Hélas, aimez, vivez, cueillez les primevères, dansez, riez, brûlez vos cœurs, videz vos verres. Comme au sombre océan arrive tout ruisseau, le sort donne pour but au festin, au berceau, aux mères adorant l'enfance épanouie, au baiser de la chair dont l'âme est éblouie, aux chansons, aux sourires, à l'amour frais et beau, le refroidissement lugubre du tombeau.